Bien-aimés, je fais rapido une petite exhortation parce que hier, je me souviens, j'ai parlé de la foi et je disais qu'il est important, n'est-ce pas, de s'appuyer sur la parole de Dieu pour obtenir de Dieu. Car il est écrit, Jésus n'a pas changé, il te sera fait selon ta foi. Mon frère, ma soeur, c'est toujours selon ta foi. Et Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit, leur foi t'a sauvé. Leur foi la t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve, pas leur foi. C'est pas parce que beaucoup de gens prient pour toi, c'est pas leur foi qui t'a sauvé. Jésus n'a pas changé. Jésus, 1000 personnes peuvent prier pour toi. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit, leur foi t'a sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Ah, ok. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu as envie de changer d'appartement, tu cherches le travail, tu as envie de faire un enfant, tu veux te marier, tu veux construire une maison, quel que soit ton projet, c'est par ta foi. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui amènera l'exaucement. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est très important ce que je vais dire. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, au verset 30. La Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Là, on n'est pas dans une demande. Là, on est dans le combat spirituel. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Là, il ne s'agit pas de demande. Quand il s'agit d'un combat spirituel, oui, le nombre compte. Le nombre compte. Le nombre de personnes qui vont te soutenir dans la prière, ça compte. Parce que 1 chasse 1000, deux chasses 10 000. C'est la Bible qui le dit. Là, on est dans le combat spirituel. Tu es oppressé par les maris de nuit, les femmes de nuit. Oui, tu as besoin de soutien dans la prière. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasses 10 000. Si 2 chasses 10 000, imaginez 4, 5, 10 personnes. Ils vont chasser beaucoup. Quand il s'agit du combat spirituel, le nombre de personnes qui prient pour toi compte. Mais quand il s'agit d'une simple demande, un besoin personnel, c'est ta foi. Cela te sera donné selon ta foi. Jésus n'a jamais dit qu'il te soit fait selon leur foi. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit, leur foi t'a sauvé. Leur foi t'a sauvé. Non, c'est ta foi qui te sauve. Là, il s'agit d'une demande de guérison. Une demande de délivrance. Tu as besoin d'un appart. Tu as besoin du travail. Tu veux avoir un enfant. C'est ta foi. Mais si tu es attaqué par les démons, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Il y a des crises de folie dans ta vie. Parfois, tu perds la tête. Tu subis une oppression. Là, on est dans le combat spirituel. Là, tu ne fais pas de demande d'une bénédiction. Tu as besoin d'une délivrance. Quand il s'agit d'une délivrance, oui, le nombre de personnes qui intercèdent pour toi compte. Parce que 1 chasse 1000... 2 chasse 10 000. Si 2 chasse 10 000, imagine 15 personnes qui prient pour toi, pour ta délivrance. Ça aurait de l'effet. Ça aura de l'impact. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Deutéronome chapitre 32 au verset 30. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mélanger les pédales. Quand il s'agit d'un besoin, j'ai envie de changer d'appartement. Il s'agit d'un besoin, j'ai envie d'avoir une autre voiture. D'accord? J'ai besoin de trouver du travail. Je cherche, il me faut une femme. Il faut que je me marie. C'est un besoin personnel. C'est un besoin comme la femme qui avait une perte de sang. N'est-ce pas? Et qui est allée vers Jésus. Elle avait un besoin. Elle avait besoin d'une délivrance parce qu'elle souffrait. Elle avait besoin de la guérison. Là, c'est sa foi. Et Jésus, lorsqu'elle a touché Jésus, la perte de sang est partie. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ta foi t'a sauvé. Quand il s'agit d'un besoin, tu as un besoin de quelque chose, c'est ta foi qui compte. Mais quand tu es oppressé par les démons, tu as besoin de délivrance, tu as subi une oppression, c'est la prière du plus grand nombre. Parce que tout le monde rentre dans le combat spirituel et le nombre joue à ce moment-là parce que une personne va chasser 1000, deux personnes chassent 10 000. C'est la Bible qui le dit. Si une personne chasse 1000, de 10 000. Imaginez 3, 4, 5, 6, 20 personnes. C'est puissant. C'est des dégâts dans le monde occulte. C'est des dégâts dans le camp du diable. Des dégâts. plus vous êtes nombreux. Là, on est dans le combat spirituel. Donc, si tu es oppressé par des démons, si tu as des maris de nuit, si tu sens des tourments, tu es tourmenté, oui. Demande aux frères et sœurs de te soutenir. À ce moment-là, le nombre de personnes compte. Parce qu'on est dans le combat spirituel. Donc, il ne faut pas mélanger les pédales. D'accord? Il ne faut pas mélanger les pédales. La Bible déclare, il y avait une piscine. Et de temps en temps, un ange venait remuer l'eau. Et la première personne qui se jetait dans l'eau était guérie. Et lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé un monsieur qui était là depuis longtemps. Et cet homme a dit à Jésus, mais à chaque fois que je me lève pour aller me jeter dans la piscine, quelqu'un m'a déjà devancé. Et Jésus l'a guéri. Combien de personnes ont prié pour ce monsieur? Personne. Quand il s'agit d'un besoin personnel, c'est toi et Jésus. Mais quand il s'agit d'une oppression démoniaque, une possession, là tu as besoin de soutien parce qu'on est dans la guerre là. Là c'est la guerre contre les démons. Là c'est la guerre contre le mari, la femme de nuit. C'est la guerre. Vous vous souvenez d'un homme, il était devant Jésus, possédé des démons. Il tremblait. Et Jésus lui a dit, vous êtes combien? Et le démon a répondu, légion, légion de démons. Légion, c'est des milliers de démons. Mais la Bible déclare, un chasse mille. Deux chassent 10 000. Cet monsieur-là, une seule personne, il allait faire ça. Les démons allaient lui faire ça dur. D'accord? C'est pourquoi la Bible dit, quand il s'agit, un chasse 1000, deux 10 000, quand il s'agit d'une oppression, quand il s'agit d'un combat spirituel, peu importe le combat, si le diable est en train de créer du désordre dans ton couple, Satan est en train de diviser ta famille, oui, oui. Satan est en train de te persécuter, oui. Tu as besoin de soutien dans la prière parce qu'on est dans le combat. Là, on est dans le combat. Tu subis des attaques tout le temps. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de soutien parce que là, on est dans le combat spirituel. Et la Bible dit dans Deutéronome 32, 30, une personne va chasser 1000, deux personnes vont chasser 10 000, 4, 5, 1000, 15. Plus vous êtes nombreux, plus ça a un impact fort dans le monde occulte. Donc, la demande, c'est toi et Jésus par ta foi. Le combat spirituel, l'oppression. Tu as besoin de soutien. Donc, il ne faut pas mélanger les pédales. Il faut que les choses soient claires dans vos têtes. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit que la foi, c'est toi et Dieu, que si tu es oppressé de mari de nuit, tu n'as plus à demander de l'aide. Non! Quand il s'agit du combat spirituel, tu as besoin de l'aide. Parce que plus vous êtes nombreux, c'est la Bible qui nous dit, plus la puissance sera énorme. Le plus, vous allez détruire le camp de l'ennemi. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci.